Piste 46. Exercice 4. N 1. 1. Elles prennent des cours de dessin. 2. Il vient de Vienne. Anne en. 3. Anna apprend l'allemand. 4. Mes enfants adorent le piano. On, on. 5. Je suis passionnée de natation. 6. J'aime rencontrer de nouvelles personnes.